celle sans même réfléchir. Malgré tout ça, nous j'habite. C'est Dieu qui a la dérive. Depuis c'est un autre forme ou qu'à suivre, ni qu'à oublier moi. Songez leur dégueulis en moi. Qu'on a dans l'île. Toutes les bons moments nous j'habite. C'est là pour nous fous. Tenez-moi la guerre. Mais doudou, c'est vous t'as compté pour moi. Avant c'était la main, même si t'es ni mauvais chemin. À présent chez moi c'est chagrin, tout ça passe ou pas les rues du bon coin. Qui jamais entre nous.